parce que jusqu'à maintenant, la loi qui régit la tenue des réunions, elle est là. Et nous n'avons en aucun cas empêché aucun parti politique de faire une réunion. Comment le fait-on? Si un parti politique veut faire une réunion, il adresse une correspondance, si c'est au niveau communal et professionnel national, au niveau concerné, d'informer qu'il voudrait tenir une réunion dans leur association, dans leur parti politique. Et cela doit être fait quelques jours avant. Si l'autorité compétente ne répond pas, c'est qu'il accepte. S'il répond positivement, c'est aussi correct. Est-ce que l'honorable Agathon Rwasa a droit de rencontrer ses fidèles? Agathon Rwasa a été élu comme un indépendant à Missouri-Abarundi. Or, le deuxième alinéa de l'article 8 de loi sur les partis politiques est clair. Il est précisé que, justement, la coalition est un rassemblement momentané. Mais après les élections, ces coalitions ne sont pas acceptables. Donc, il ne peut pas tenir des réunions politiques comme indépendant si ce n'est pas la période électorale. Comme il a été élu, il doit être là, exécuter les lois. N'est-ce ou bien, pas les moyens de diminuer politique. Son espace politique. Non, ce n'est pas diminuer, c'est la loi, c'est clair. La loi définit comment les partis politiques, les associations, les églises font leurs réunions. Et c'est tout. C'est ce qui ne définit pas la loi. Terence Nahiraja, c'est l'assistant du ministre de l'Intérieur. Il est également porte-parole du ministère de l'Intérieur. Il était au micro d'Aubin Niyonguru. Et puisque nous parlons de Rwasa Agathon, Keranda Laurent, c'est le chef de la colline Moura, en commune Guiharo, en province Routana, et fidèle d'Agathon Rwasa. Il est détenu à la position policière de Rubaho depuis ce lundi. Il a été arrêté alors qu'il était dans une réunion de sécurité, accusé de faire fuir des gens, comme le dit Jean-Pierre Enzo Yissawa, responsable des FNL pour Agathon Rwasa dans la commune Guiharo. Côté administration, Bahendubona Denise, administrateur de cette commune, reconnaît que ce chef de colline a été arrêté, mais ne précise pas pour quel motif. La famille politique de ce chef de colline évoque des raisons politiques. Et des bandits armés ont volé une somme d'argent avoisinant 1,5 million francs burundais et des articles dans une boutique d'un commerçant du nom de Manirakiza, alias Man, sur la colline Kibango de la commune Rutovu. L'administrateur de la commune Rutovu, Nestor Nijimbere, informe que l'intervention des forces de l'ordre est arrivée alors que le groupe avait déjà pris le large. Il précise aussi que le banditisme à main armée est presque nouveau dans cette commune. Il était jusqu'ici signalé des voleurs de vaches dans cette localité. Et puisque nous parlons des nouvelles de Provence, 40 jeunes garçons chassés de la capitale burundaise par la police ont passé cette nuit au cachot de la police judiciaire de Ngozi. La police et l'administration disent qu'elles comptent ramener ces derniers sur leur colline d'origine. Apollinaire Mozagara. Les jeunes garçons ont été amenés dans son cachot ce mardi soir par un véhicule de la police en provenance de Bujumbura. 33 sont de la province Ngozi, 5 de Muyinga et 2 de Kirundi. Selon le commissaire provincial de la police, les personnes ont été chassées de la capitale parce qu'elles n'y faisaient rien comme travail et ce n'est par conséquent le désordre. Les jeunes sont hébergés dans son cachot en attendant que les administrateurs communaux passent pour que chacun amène à son tour les chiens sur leur colline d'origine, précise le commissaire Abraham Bidindad. Ceux d'autres provinces seront acheminés au chef-lieu de la province d'origine pour suivre la même autorité policière. Dans son cachot se trouvent aussi 10 enfants de la rue rafraîchis par la police pour être également envoyés chez eux. Après à peu près 3 semaines dans son cachot, ces enfants souffrent de maladies et sont affamés. Les défenseurs des droits des prisonniers demandent que ces personnes soient vite acheminées chez elles pour éviter ces mauvaises conditions de détention, étant donné qu'elles n'ont personne aux environs pour leur venir en aide, ni en médicaments, ni en nourriture. Ngozi, Apone Mbagara, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous l'avais dit, une cinquantaine d'enfants vulnérables pris en charge par Christine Nahe, surnommée Maman Dimanche, ont reçu chacun un kit de matériel scolaire leur octroyé par Rotary Club, branche Kigobe 2012. Ces enfants bénéficiaires ont apprécié cet appui, un appui qui vient à la veille de la rentrée scolaire et qui intervient au moment où beaucoup de familles burundaises vivent dans de mauvaises conditions financières. Et certains habitants de la zone Mgiza, mairie de Bujumbura, s'indignent qu'ils passent beaucoup de temps devant le bureau chargé de délivrer les cahiers de ménage. Ceux qui se sont entretenus avec notre rédaction ce mercredi accusent les chefs des quartiers de rentrer très tôt, la cause principale de ces files d'attente. Grâce Nyonzima. Au moment où nous sommes arrivés au bureau de la zone Giza, aux environs de 10 heures, plusieurs personnes attendaient devant une seule porte pour avoir les cahiers de ménage. L'un parmi eux dit qu'il vient de passer plusieurs jours à ce bureau, mais jusqu'à maintenant, il n'a pas encore eu son cahier de ménage, faute des responsables de ces derniers qui ne sont pas disponibles. Nous sommes venus ici chercher les cahiers de ménage. Nous faisons un long fil d'attente. Depuis lundi, j'étais ici, mais on me dit que je peux avoir ce cahier. Même les chefs de quartier ne sont pas là. Même dans l'après-midi, ils n'y sont plus. Si tu n'as pas ce cahier de ménage, on ne signe pas tes documents. Ni le chef de quartier, ni le chef de zone. Il demande que ses responsables agissent le plus tôt possible afin qu'ils reçoivent ces cahiers dans un délai raisonnable. Je demande que ce travail soit rapide pour que tu le récupères facilement. Aussi, les chefs de quartier soient disponibles pour que celui qui a besoin de les retrouve sans problème. Le chef de zone Giza, Salvatore Mudwigi, nous a dit que ces cahiers de ménage sont octroyés par les chefs de quartier à partir de 8h jusqu'à 10h et qu'après, ces derniers vont vaquer dans d'autres activités. Aujourd'hui, ils n'étaient pas là parce qu'ils étaient dans une réunion. Grâce à Nyonzima, stagiaire à notre station, et le manque de bus de transport au parking du sud de la capitale Bujumbura s'observe toujours, et surtout ceux qui font la liaison ville-Kanyosha. Les habitants de cette localité se plaignent de devoir donner 600 francs burundais exigés à ceux qui vont normalement à Ruziba, plus loin de Kanyosha, mais ils s'y résignent afin d'arriver à temps chez eux après les heures de service. De son côté, le chef disciplinaire sur ce parking nie ses faits, expliquant dans le même temps que c'est l'embouteillage qui est à l'origine de ce problème. Voici les détails dans ce reportage de Karine Boutoyi. Elle est également stagiaire à notre station. Comme nous l'avons observé sur ce parking, la population de cette localité préfère prendre le bus de Ruziba afin d'arriver à temps à leur domicile, comme ses habitants l'expriment. Prendre le bus de Kanyosha dans 5 jours, c'est risquant. On peut même vous voler tout ce que vous avez. C'est pourquoi nous préférons payer 600 francs pour arriver au moins à temps à la maison. Pour celui-ci, la présence de la police et des journalistes sur ce lieu a facilité les uns à avoir le bus. Si vous regardez bien, vous voyez que les bus de Kanyosha commencent à circuler sur le parking. Pourquoi ça? Parce que vous, les journalistes, vous avez parlé ça. C'est la police qui a pris en main cette question. Avant, cela ne se passait pas ici. Le responsable disciplinaire de ce parking, interrogé sur la question, explique que ce problème existe depuis longtemps. Mouette Ferdinand indique que l'embouteillage est à l'origine de ce phénomène. Ils se plaignent encore que les bus de Kanyosha leur font payer un ticket de 600 francs beau, expliquant qu'ils vont à Ruziba alors que ce n'est pas vrai. En fait, c'est un problème de routine. Quand ils voient qu'ils passent beaucoup de temps ici, ils prennent les bus de Ruziba, mais cette colère due au paiement de 600 francs beau, réellement c'est 300 francs. Le principal problème est l'embouteillage dans l'après-midi. Nous demandons qu'on revoie la circulation en ville pour diminuer l'embouteillage dans les routes, car un véhicule qui normalement fait 30 minutes aller-retour à Ruziba et passe 2 heures, voire même 3 heures, ce problème persistera encore. Même si on amènerait 1 million de voitures dans ce parking, il s'observera encore plusieurs gens dans ce parking à cause des embouteillages dans les routes. Mais la réponse donnée par ce responsable suscite des inquiétudes au moment où le bus de Kanyosha partage la même route que celle de Ruziba. Karine Boutoyi, stagiaire à notre station. Dans la suite de ce journal, le taux de change est fixé sur base des disponibilités des réserves à la Banque centrale. Le chercheur professionnel à l'Institut de développement économique, IDEC en sigle, dit que la carence des devises est liée au fait que les bureaux de change n'ont plus le droit de s'approvisionner au niveau de la Banque centrale, la BRB. Salomon Sabimana propose la collaboration entre la Banque centrale, les bureaux de change et les banques commerciales. Il l'a dit au cours d'un atelier de validation des projets d'articles de revue de l'IDEC ce mercredi. On dirait qu'il travaille à perte, c'est à relativiser parce que jusque-là, on n'a pas encore quels sont les montants exacts que les bureaux de change effectuent par jour. Mais par rapport à cette question de fonds,

Théophile Ndarou Fatiye, c'est l'assistant du ministre de l'Environnement. Ses propos ont été recueillis par Alida Ndaïkeza, stagiaire à notre station. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaïo pour sa collaboration technique au micro. Jean-Bosco Ndouimana, nous vous souhaitons de passer une bonne soirée. Et surtout, ne tournez pas les boutons, nos programmes continuent.